Le testament d'Isaac. Version française intégrale. Traduit du copte par Kuhn. De l'arabe par Steenespring. Du guès par Ed. Préface 1. Parfait sacrifice. Les sacrifices de grande renommée se rapportent depuis des siècles à Isaac et à notre Seigneur Jésus. Ce que l'on sait moins, c'est que le sacrifice d'Isaac s'est fait de plein gré, comme l'était celui de Jésus sur le bois. La jeunesse de l'Ancien Testament fit connaître le sacrifice d'Isaac aux Juifs tout d'abord, dans les écrits de Moïse, qui lui furent révélés au mont Horeb à la sortie d'Égypte, puis aux païens du monde entier et devenu chrétien par les évangiles, suivi de la Bible jusqu'au Coran, par la conversion des apôtres et leurs successeurs, incluant les premiers musulmans, qui plantèrent la racine sacrée en alphabétisant un grand nombre de peuples écartés. Abraham se présente sur le mont Moria, il attache son fils qui lui demande « Père, voici le bois et le feu, mais où est l'offrande ?» Le père est absorbé et Isaac vient de comprendre qu'il sera l'agneau, « Mon père m'offre en sacrifice à Dieu. » Mais Isaac est croyant, il fait confiance en son père et lui dit « Père Abraham, serre bien la corde pour que je ne me débatte pas trop. » Et il s'allonge sur le bois de l'autel, le cœur plein d'amour pour son père. Il est la vie que Dieu accorda à son vieux père âgé de 100 ans, il est la vie que son vieux père doit rendre à Dieu, oui, le parfait sacrifice vient du cœur. Abraham va montrer qu'il n'est pas ingrat envers le père de la vie, c'est-à-dire de toutes les vies, et de tous les esprits, comme Jésus a dit, un homme reçoit tout ce qu'il a de Dieu jusqu'à ce qu'il dépense tout par amour pour Dieu. Le jour où Abraham offre Isaac en sacrifice, le ciel et la terre se remplirent de l'odeur apaisante d'Isaac, comme un argent de choix. Tel est le sacrifice d'Isaac, quand Abraham l'offrit à Dieu, l'apaisante odeur du sacrifice d'Isaac monta jusqu'aux cieux. Préface 2. Sacrifice de grand prix. Extrait de The Legend of the Patriarch and the Prophet, p.188, de Baringoul, 1881. Abraham avait dit en son cœur, je prépare de mon abondance des choses à donner à tout homme qui me le demande et à tout passant, mais je n'ai encore rien donné à mon Seigneur Dieu, le donneur de toutes bonnes choses. Et un jour que les fils de Dieu se tenaient devant Dieu, l'accusateur étant parmi eux, Dieu l'interrogea d'où il venait et ce qu'il y avait vu des actions humaines. Et il répondit, j'ai vu que les fils terrestres ne te louangent plus, ni te vénèrent, et après avoir obtenu leur demande ils oublient de te remercier. J'ai vu qu'Abraham, le fils de Théra, tant qu'il était sans enfant il construisait des autels et déclarait ton nom au monde, mais il t'oublie depuis que tu lui as donné un fils à 100 ans. Le jour où Isaac fut sevré, je suis venu mendier à sa porte et revenu sans aumône. Il a construit une grande maison qu'il dispose aux étrangers, mais à toi il ne donne aucun sacrifice de valeur. Demande-lui un sacrifice de grand prix et il te le refusera. Le Seigneur Dieu apparut à Abraham et lui dit « Je suis venu te demander une chose. Je t'ai sauvé de tout danger, je t'ai délivré de la fournaise de Babylone, je t'ai sauvé de l'armée de Nimrod, je t'ai amené jusqu'à cette terre et t'ai donné des serviteurs et des servantes, des troupeaux de moutons et de chevaux, je t'ai donné un fils dans ton vieil âge ainsi que la victoire sur tes ennemis et sur les nouvelles épreuves qui t'attendent. Je dois te mettre à l'épreuve pour voir ta reconnaissance de cœur et que tu vois ta droiture, qu'ainsi ton obéissance soit parfaite, aussi, présente ton fils. » Lequel des deux ? Répondit Abraham tremblant. Celui qui compte pour toi, dit la voix de Dieu. Chacun est le seul fils de sa mère. Celui que tu aimes. J'aime les deux. Celui que tu aimes plus, dit la voix de Dieu. J'aime les deux pareillement, dit Abraham. Alors je demande Isaac, dit la voix de Dieu. Que dois-je faire de lui, Seigneur? Va à l'endroit que je te dirai où les collines se lèveront subitement à vue du fond de la vallée. Va à cet endroit d'où ma lumière et ma connaissance sont une fois sorties et que mes yeux observent inlassablement, d'où s'élèvera pour moi la fumée des encens, à l'endroit où la prière est entendue et le sacrifice est offert pour moi, où en fin des temps je jugerai les nations et jetterai les incroyants au puits de Géhinnom, à la terre de Moria, que je te montrerai et où tu présenteras ton fils Isaac en offrande, entièrement par le feu. T'apporterai-je un tel sacrifice? Où est le sacrificateur qui préparera le sacrifice? J'ai pris le sacerdoce de Shem et t'en ai revêtu, dit la voix de Dieu. Il y a de nombreuses collines dans ce pays, sur laquelle monter? Une montagne sur laquelle repose ma gloire, dit la voix de Dieu. Testament d'Isaac. Voici la sortie du corps d'Isaac le patriarche, qui mourut dans la paix de Dieu. Écrit du testament du patriarche Isaac. Il adressa ses paroles d'instruction à son fils Jacob et à tous ceux qui étaient réunis autour de lui, les paroles d'instruction, les médecines de vie, avec les bénédictions des patriarches, sont sur ceux qui écoutent ces paroles et ceux qui viennent après nous. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui croient comme il est écrit. Vous avez entendu une parole, pour qu'elle habite en vous. Ceci est le but de l'obéissance, et Dieu fera grâce à ceux qui croient. Celui qui croit aux paroles de Dieu et en ses saints sera héritier du royaume de Dieu. Dieu était avec les générations passées, qui sont éteintes en raison de leur innocence et leur foi envers Dieu. Il sera également avec les générations à venir. 2. Le temps était venu pour Isaac le patriarche de sortir de son corps. Dieu envoya vers lui l'ange de son père Abraham qui lui dit « Aïe, fils de la promesse ». Il leva son visage vers la face de l'ange suivant l'habitude quotidienne du juste patriarche de converser avec les anges ES. L'ange avait assumé la ressemblance de son père Abraham, il ouvrit sa bouche avec joie et s'écria tout haut « Je vois ton visage comme quelqu'un voit le visage de Dieu ». Écoute Isaac, lui dit l'ange, Dieu m'envoie vers toi pour te prendre et voir tous les saints placés auprès de ton père Abraham aux cieux. Ton père Abraham t'attend, lui-même va venir vers toi. Voici, un trône t'est préparé auprès de ton père Abraham, car ta part et la part de Jacob ton fils surpassent celle de tous les autres et de la création entière de Dieu. C'est pourquoi tu as reçu à tout jamais le nom de patriarche du monde. Je m'émerveille à ton égard. Père bien-aimé de Dieu, dit Isaac. Isaac, je suis l'ange qui a servi ton père Abraham. Réjouis-toi maintenant, je vais te porter à jamais du chagrin à la joie, de la souffrance au repos. Je vais t'emmener de la prison à un lieu que tu pourras disposer à volonté, lieu de joie et de bonheur. Je vais t'emmener à la lumière et au mérite, avec l'abondance de joie sans fin. Écris ton testament en décret pour ta maison, car je vais te traduire en repos pour toute l'éternité. Béni est ton père qui t'a engendré, béni es-tu, béni est ton fils Jacob, bénis sont les descendants qui viendront après toi. 3. Jacob les entendait parler ensemble sans rien dire. Le cœur lourd, Isaac dit à l'ange, « Que ferai-je pour Jacob, lumière de mes yeux? Je crains ce qu'Ésau peut lui faire. Tu connais la situation. » Isaac, même toutes les nations de la terre réunies ensemble ne pourraient d'annuler les bénédictions prononcées sur Jacob quand tu le bénis, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit le béniront, et Michaël, Gabriel, tous les anges, tous les êtres célestes, tous les esprits des justes, et ton Père Abraham répondirent tous, « Amen », lui dit l'ange. L'épée ne touchera pas son corps. Il sera tenu en grand respect et s'accroîtra grandement, s'étendant de long en large, et 12 trônes sortiront de lui. Tu me donnes beaucoup de réconfort, dit Isaac à l'ange, mais ne laisse pas Jacob savoir au cas qu'il s'inquiète. Isaac, bénis sont tous les justes qui sortent de leur corps, bénis sont-ils de rencontrer Dieu. Malheur, malheur, malheur trois fois aux pécheurs nés de ce monde, de grandes souffrances viendront sur lui. Donne à tes fils ces instructions et celles que ton père t'a données sans rien cacher à Jacob, lui dit l'ange, mais qu'ils les écrivent pour instruire les générations qui viennent après vous et pour ceux qui aiment Dieu afin qu'ils puissent vivre leur vie en accord avec elle, alors je prendrai soin de toi pour te porter sans délai à la joie. Je te la donne la paix que mon Seigneur m'a donnée, car je vais vers celui qui m'a envoyé. 4. Quand il lui dit cela, l'ange s'éleva du lit sur lequel dormait Isaac et retourna dans les mondes d'en haut. Notre père Isaac le regardait partir, émerveillé de la vision qu'il avait vue. « Je ne verrai pas la lumière du jour avant d'être demandé, » dit-il. Tandis qu'il méditait à ça, Jacob se réveilla du sommeil où l'ange l'avait plongé pour ne pas entendre. À son éveil, Il partit courir vers la chambre où dormait son père et lui dit à la porte : « Avec qui parlais-tu, mon père ? Tu as entendu mon fil ? Ton vieux père est demandé et te sera retiré, lui dit Isaac. » Et Jacob se mit à pleurer. Il mit ses bras autour du cou de son père et s'écria : « À moi, ma force me quitte. Aujourd'hui, mon père, tu fais de moi un orphelin. » Isaac enlaça son fils Jacob et pleura. Ils pleurèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus pleurer. « Prends-moi avec toi, père Isaac, » dit Jacob. « Je ne l'obtiendrai pas, mon fils. Attends jusqu'à ce que tu sois demandé mon aimé, » répondit Isaac. « Je me souviens le jour que toute la terre avait tremblé d'un bout à l'autre, quand mon père Abraham parla et dit : « Je suis incapable de déplacer aucune partie du décret. Je n'avais plus la force pour faire quoi que ce soit. Ce que Dieu a prescrit pour chacun, il l'a prescrit de sur autorité, et ses ordonnances sont immuables. C'est une issue dont personne n'échappe. Écoute, mon fils, et sache que je suis heureux d'aller vers Dieu, je suis fortifié d'un esprit conducteur. Où sont Adam et Ève, notre père et mère, premier créé des mains de Dieu ? Où est Abel ? Et après lui Mahalalel, Jared, Methuselah, notre père Noé et ses fils, Shem, Ham, et Japhet. Et après eux, Arphaa et Kenan, Ebé, Réu, Serug, Nahor, Théra, et mon père bénit Abraham, et Lot son frère. Tous ont expérimenté la mort, excepté notre père Enoch, le parfait. Après eux, 42 générations de plus passeront jusqu'à la venue du Messie né d'une vierge pure du nom de Mariam. Quand 30 ans passeront, il annoncera la fin du monde et choisira 12 hommes à qui il révélera les secrets. 5. Après qu'Isaac eut parlé, tous ceux de sa maison se rassemblèrent autour de lui et pleurèrent, car son fils avait parlé à tout ce qu'il connaissait et il vint à lui en larmes. Quand sa vue avait commencé à faiblir, notre père Isaac s'était fait une pièce dans sa maison où il passait chaque jour en jeûne jusqu'au soir où il présentait un jeune animal pour le salut de leurs âmes, à lui et ceux de sa maison, et il passait la moitié de la nuit à prier et louanger Dieu. Il vécut cette vie ascétique pendant 100 ans, gardant 3 périodes de 40 jours de jeûne chaque année, sans boire ni manger, sans dormir sur son lit, à prier et rendre grâce à Dieu continuellement. 6. En apprenant que l'homme de Dieu avait retrouvé la vue, ses fils et son frère comprirent que l'Esprit de Dieu lui avait parlé et vint vers lui entendre ses paroles de vie. Les plus grands vinrent lui dire : « Tu peux voir clair maintenant. Comment as-tu regagné la vue après l'avoir perdue ?» Le patriarche sourit, et dit : « Le Dieu d'Abraham me l'a accordé en réconfort à mon vieil âge. » Le sacrificateur de Dieu lui dit : « Dis-moi ce que je dois faire, père Isaac. » Isaac lui dit : « Garde ton corps dans la pureté, car en lui est placé le temple de Dieu. N'engage pas de controverse avec les autres de peur que ta bouche n'échappe une parole de colère. Sois sur tes gardes pour ne pas prononcer de mauvaises paroles, ni te gonfler de vanité, ou colporter des paroles irrespectueuses. Vois que tes mains ne prennent pas ce qui n'est pas à toi. Ne présente pas d'offrande ayant un défaut. Lave-toi dans l'eau avant d'approcher l'autel. Ne mélange pas les pensées de Dieu avec celles du monde quand tu te tiens devant lui. Fais tout pour être en paix avec chacun. Quand tu te tiens devant Dieu pour présenter ton offrande, récite en privé sans prière et fais à Dieu cet aveu. Ô Dieu incompréhensible, insondable, inatteignable, trésor de pureté. Je viens à toi pour que tu me purifies, car je suis souillé du fardeau de la chair et du sang et je viens te demander d'alléger ma charge. Par amour pour ta miséricorde, purifie-moi et enlève mes fautes, comme le feu brûle le bois. Pardonne-moi qui suis un pécheur, je pardonne toutes les créatures que tu as faites et n'ai aucune plainte contre personne. Je suis en paix avec tout ce qui a été fait à ta ressemblance. Je suis insensible aux esprits malveillants qui se présentent devant moi parce que je suis ton servant, fils de ta servante. Je suis celui qui pêche, et toi celui qui pardonne. Pardonne-moi pour me permettre d'approcher ton saint lieu et que devant toi mon sacrifice soit acceptable. Ne me rejette pas à cause de mes péchés, mais reçois-moi auprès de toi comme un mouton perdu malgré mes nombreux péchés, toi le Dieu qui a été avec notre père Adam, Abel, Noé, notre père Abraham et son fils Isaac, et qui a été avec Jacob, soit avec moi aussi et accepte de ma main mon sacrifice. 7. Quand tu auras tout dit, prends alors ton sacrifice et offre-le. Conforme-toi au sacrifice au ciel envers Dieu, pour de ne pas lui déplaire, car la fonction du sacrificateur n'est pas une petite chose. De ce jour jusqu'à la fin des temps, le sacrificateur doit être tempéré à l'égard du manger, boire et dormir. Il ne doit pas parler des choses rattachées à ce monde, ni écouter celui qui en parle, mais passe sa vie totalement occupée à prier et veiller avec les écrits jusqu'à ce que Dieu envoie la paix jusqu'à lui. Le sacrificateur doit renoncer au monde qui travaille suivant le démon pour se joindre au service sacré des anges ES, pour que la pureté divine soit restituée. Il sera honoré devant Dieu et ses anges grâce à ses saints sacrifices et son service angélique suivant l'exemple institué aux cieux. Les anges seront ses amis grâce à la pureté de sa foi, et grand sera son honneur devant Dieu. Petit ou grand, il nous est requis d'être sans péché. 8. Le peuple réuni autour de lui dit, « C'est juste, Amen. » Le patriarche garda silence et remonta sa couverture jusqu'à recouvrir son visage. Le peuple du sacrificateur resta silencieux et le laissa se reposer un peu. Et l'ange de mon père Abraham vint vers moi pour me conduire dans les cieux. D'un côté et de l'autre, je vis se propager des terreurs assourdissantes, effroyables à voir. Certains avaient une face de chameau, une face de lion, une face de chien, et d'autres qui n'avaient qu'un œil, tenaient dans leurs mains des lances de fer d'une longueur de 3 aunes. Je regardai et voici, un homme fut emmené, et ceux qui le conduisaient allèrent avec lui. Arrivés près des monstres, ceux qui étaient avec lui se retirèrent de côté et le lion s'avança vers lui, le déchiqueta en petits morceaux et l'avala, puis le vomit. Il revint lui-même comme avant et le monstre suivant le traita de la même manière. En bref, il passait de l'un à l'autre pour que chacun le mette en pièces, l'avale et le vomisse, et qu'il revienne à lui comme avant. Mon Seigneur, quel péché a commis cet homme pour subir ça ? Dis-je à l'ange. Cet homme que tu vois à présent a eu une querelle avec son voisin et mourut sans s'il se soit réconcilié. Vois comme il est livré à 5 bourreaux-chefs, qui passeront 1 an à le tourmenter pour chaque heure passée à se quereller avec son voisin. Penses-tu que ceux-là sont les seuls, Isaac ? Dit l'ange. Crois-moi Isaac, 600 000 bourreaux passent 1 an à tourmenter un homme pour chaque heure passée à pécher. Il est emmené ici à ces créatures, qui le torturent chacun d'eux pour chaque heure d'hostilité envers son prochain, jusqu'à ce que l'année entière soit accomplie. S'il n'a pas fait la paix et ne s'est pas repenti avant son départ et sa séparation de son corps. 9. Il me conduit et m'emmena à une rivière de feu au flot d'une aune de hauteur, au grondement de tonnerre du ciel, où je vis une armée d'âmes immergées. Ceux qui sont dans cette rivière crient et pleurent fortement dans une grande agitation de gémissements multiples. Ce feu consciencieux ne touche pas les justes, mais il brûle les pécheurs, qui cuisent dans la puanteur qui les enveloppe. Je vis le puits de l'abysse, où s'élèvent des nuages de fumée et les hommes, qui s'engouffrent en criant plaintivement et grinçant des dents, tout sur les. L'ange dit. Ceux qui ont fait le péché des sodomites sont dans la grande détresse. Je vis également un puits rempli de vers qui ne dorment pas. Je vis celui qui est chargé de tous les châtiments de feu, Abdemrucho, parlait avec menace au bourreau du Shéol. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils sachent qui est Dieu. Je vis une maison bâtie en pierre de feu, et dessous de grands hommes qui gémissent en pleurant. L'ange me dit. Vois et observe les châtiments de tes yeux. Mes yeux ne peuvent le supporter, dis-je à l'ange. Combien de temps doivent durer ces châtiments? Jusqu'à ce que Dieu le miséricordieux ait pitié, me dit-il. 10. Puis l'ange m'emmena dans les cieux. Je vis mon père Abraham et je lui fis obéissance. Il me salua avec tous les saints. Les saints m'honorèrent grâce à mon père et marchèrent avec moi pour m'emmener vers mon père. Je me prosternai avec tous les saints et des chants de louanges retentirent. Saint, Saint, Saint, Seigneur roi Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta sainte gloire. De son saint lieu, le Seigneur dit à mon père. Il est bon, loyal et saint Abraham, que tu sois venu avec ta racine juste. Il est bon que tu sois venu dans notre ville. Tout ce que tu voudras maintenant demander, fais-en la demande au nom d'Isaac ton fils, et elles les seront vraiment à toi. À toi les pouvoirs tout-puissants Seigneur, dit mon père Abraham. À qui sera donné le nom d'Isaac, chacun d'eux qui copiera avec honneur son testament et nourrira un pauvre homme avec du pain au nom d'Isaac, en mémoire de son saint jour, je te les accorderai comme fils dans mon royaume, dit le Seigneur à Abraham. Tout-puissant Seigneur, dit Abraham, si un homme ne peut copier son testament, ne peux-tu l'accepter par ta miséricorde, car tu es miséricordieux et compatissant, qu'il nourrisse un pauvre homme avec du pain, et je te l'accorderai en don, comme un fils dans mon royaume, et il viendra avec toi à la première heure des 1000 ans, dit le Seigneur à Abraham. Suppose qu'il est pauvre et n'a aucun moyen d'avoir du pain, dit Abraham. Qu'il passe la nuit sans dormir en mémoire d'Isaac, et je te l'accorderai en don, comme un héritier dans mon royaume, dit le Seigneur. Suppose qu'il est faible et sans force, dit mon père Abraham, peux-tu l'accepter par amour de ta miséricorde? Qu'il offre un peu d'encens au nom de ton fils Isaac, et je te le donnerai comme un fils dans mon royaume, lui dit le Seigneur. S'il n'a aucun moyen d'avoir de l'encens, qu'il recherche une copie de son testament et le lise au jour d'Isaac. Et s'il ne peut pas le lire, qu'il aille écouter les autres qui peuvent. S'il est incapable de faire aucune de ces choses, qu'il aille dans sa maison et dise son prière et je te le donnerai comme un fils dans mon royaume. La chose la plus importante de tout est qu'il présente une offrande au nom d'Isaac comme son corps fut offert en sacrifice. Alors non seulement je te donnerai tous ceux qui sont appelés du nom d'Isaac, comme fils dans mon royaume, mais je te donnerai aussi tous ceux qui font une des choses que j'ai mentionnées. Je te donnerai tous ceux qui sont concernés par la vie d'Isaac et de son testament, ou font un acte de compassion, comme donner à quelqu'un un verre d'eau à boire ou copier son testament de sa propre main, et ceux qui le lisent avec foi, de tout leur cœur, et croient à tout ce que je dis. Mon pouvoir et le pouvoir de mon Fils bien-aimé et du Saint-Esprit seront avec eux et je te les donnerai comme fils dans mon royaume. Paix à vous tous, mes saints. 11. Quand il eut parlé, des chants de louanges retentirent. Saint, Saint, Saint, Seigneur roi Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta sainte gloire. De son saint lieu, le Père dit à Michaël. Mon capitaine Michaël, va vite rassembler les anges et les saints tous ensemble, qu'ils viennent à l'arène contre de mon bien-aimé Isaac. Michaël souffla la trompette sur le champ et tous les anges et les saints se rassemblèrent et vinrent vers la couche de notre père Isaac. Le Seigneur monta sur son chariot, les séraphins et les anges en avant de lui. Quand ils arrivèrent près de la couche de notre père Isaac, apercevant la face de notre Seigneur, Isaac se tourna aussitôt vers lui et s'écria plein de joie. Il est bon que tu sois venu mon Seigneur, avec ton grand archange Michaël. Il est bon que tu sois venu Père Abraham avec tous les saints. 12. Quand il dit cela, Jacob enlaça son père et l'embrassa en pleurant, notre père Isaac fixa ses yeux sur lui et lui fit signe de garder silence. Notre père Isaac dit au Seigneur, souviens-toi de Jacob, mon pouvoir sera avec lui, lui dit le Seigneur. Au temps venu, je deviendrai humain et mourrai, pourrai revenir de la mort le troisième jour. Je mettrai ton nom dans l'esprit de chacun et ils t'invoqueront comme leur père. Isaac dit à Jacob, mon fils, voici la dernière recommandation que je te donne aujourd'hui. Garde-toi d'un œil acéré. Ne déshonore pas la ressemblance de Dieu. Ce que tu fais à l'homme, tu le fais à la ressemblance de Dieu, et Dieu te fera ainsi au lieu où tu le rencontreras, au début et la fin. Quand il eut dit cela, notre Seigneur prit son âme, blanche comme neige, de son corps. Il l'accueillit et la mit avec lui sur le chariot et l'emmena dans les cieux. Devant lui les séraphins jouaient de la musique avec tous les anges et les saints. Il lui donna librement les bonnes choses de son royaume à jamais. Et toutes les demandes que notre père Abraham fit au Seigneur, il lui donna librement comme une alliance à toujours. Le jour où Abraham l'offrit en sacrifice, le ciel et la terre se remplirent de l'odeur apaisante de notre père Isaac, comme un argent de choix. Tel est le sacrifice de notre père Isaac le patriarche, quand Abraham l'offrit en sacrifice à Dieu. L'apaisante odeur du sacrifice d'Isaac monta jusqu'aux cieux.